chacun et ceux qui. La vie est fine, c'est efficace. son visage en dévisage. Belle liberté, c'est des carcasses. Avant que ton lit tout s'efface. Les erreurs, les portes du coup. Les menteurs, les mateurs jusqu'au bout. Les salauds, les héros, les races. Bon, attends, j'arrête alors. Les erreurs, les fautes et les goûts.